Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Pline, Strabon, Agathe Archite de Cnide, tous ont évoqué ou décrit ces hommes aux limites de l'œcumène, sur les rivages des océans, vivant dans des maisons édifiées en arêtes de poissons, nus et hirsutes, les ichtyophages. De la Californie à la mer Rouge, de la Bretagne au Japon, les archéologues retrouvent régulièrement les traces de ces peuples mangeurs de poissons. Pour découvrir ces chasseurs-collecteurs maritimes, l'origine de ces premiers peuples de la mer, en un mot, la naissance des ichtyophages, Grégoire Marchand, Catherine Dupont, bonjour. Bonjour. Bonjour. Habitué du Salon Noir, directeur de recherche, Grégoire Marchand, vous êtes l'incontournable spécialiste de notre préhistoire récente. Pour preuve, les 500 pages fraîchement publiées sous le titre « Préhistoire Atlantique ». Chargé de recherche au CNRS, lauréate de la médaille de bronze, Catherine Dupont, vous œuvrez à comprendre ces sociétés dans une approche plus naturaliste. Vous venez surtout, tous deux, d'organiser un colloque sous l'égide de la Société préhistorique française et intitulée « Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes ». Quoi qu'il en soit, dans la longue histoire de l'évolution, l'homme face à la mer ne s'est-il pas retrouvé piégé dans un cul-de-sac ? Grégoire Marchand ? Effectivement, ça fait partie des théories qui ont été longtemps émises. On avait des peuples préhistoriques qui étaient en quelque sorte coincés. On était dans des processus d'expansion permanente. Plus récemment, on commence à se rendre compte que ces couloirs maritimes, ces rivages, peuvent être également des grands couloirs de diffusion des espèces humaines depuis la plus haute préhistoire. Donc à la fois cul-de-sac, mais également espace de déplacement facilité. Oui, c'est une théorie très américaine, cette circulation le long des côtes du Pacifique pour la conquête des Amériques, par exemple. Il en aurait pu être de même pour notre vieille Europe ? Exactement. L'idée générale, c'est que ces gens qui sont spécialisés dans l'acquisition des produits marins ont développé tout un système technique très adapté, hein, que ce soit à la collecte des coquillages ou à la pêche. Et puis que finalement, ils n'avaient pas de raison de changer de méthode. Donc en fait, eux-mêmes ont continué à se répandre sur toutes les côtes de la planète. Mais ils ont bien fallu quand même un moment buter contre cet Atlantique ou ce Pacifique. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. On se rend compte effectivement dans ce qu'on appelle la reconquête post-glaciaire de l'Europe, qui arrive à un moment où on voit effectivement des grandes impulsions qui partent, hein, du sud-est du continent et puis qui viennent buter, alors que ce soit au préalable au paléolithique final et puis ensuite au mésolithique et puis évidemment à l'heure de la néolithisation. Et ces espèces de blocages vont seulement céder quand les moyens techniques de navigation permettront d'aller d'une part en Angleterre et puis ensuite en Amérique. Oui, jusqu'au jour donc où la mer devient un véritable axe de circulation pour les biens et les idées. C'est tout à fait le cas, effectivement, au néolithique. On voit très, très bien, en fait, des moments où la façade atlantique, notamment, devient... On commence à voir apparaître ces diffusions nord-sud qui n'étaient pas franchement développées auparavant, notamment à la fin du néolithique, donc vers au troisième millénaire avant notre ère. Catherine Dupont, dans toute la préhistoire, celle des temps glaciaires, l'homme ne semble pas spécialisé dans la pêche. Il aurait eu mieux à faire ? C'est vrai que c'est une théorie qu'on retrouve pendant très longtemps, mais les choses changent dans la recherche. C'est vrai que pendant pendant le paléolithique, on a eu tendance à dire que les hommes n'exploitaient pas du tout l'environnement marin. Et pour cause, en fait, on n'a pas du tout, nous, en tant qu'archéologues, on ne peut pas du tout en fait, avoir accès à ce trait de côte qui est actuellement à plus de 100 mètres sous le niveau actuel. Donc il faut vraiment voir que là, on travaille actuellement sur des populations qui sont donc, de la fin... du Mésolithique. Et finalement, on voit qu'ils consomment des ressources marines. Pourquoi ? Parce qu'on a le trait de côte à cette époque-là qui commence à se stabiliser et qui commence à être proche d'actuellement. Par contre, pour les périodes plus anciennes, même si on n'a pas d'indice direct de l'exploitation des ressources marines, on en a des témoins indirects, soit par le biais de coquillages qui vont servir comme parure et qui vont aller à l'intérieur des terres pendant sur pas mal de kilomètres. Également, on va retrouver des restes de baleines, des choses qui vont être travaillées, des ossements de baleines. Également, on a des représentations graphiques qui vont se retrouver dans certaines grottes. Et là, ça peut être des mammifères marins qui sont dessinés ou du poisson, pour certains qui sont déterminés comme des poissons marins. Donc, on a vraiment quand même une exploitation des ressources marines pour des temps plus anciens. Grégoire Marchand, les préhistoriens retrouvent bien donc des vestiges liés à la mer ? Ça, c'est une grande découverte des travaux récents, notamment ceux menés par Jean-Marc Pétillon, où on voit vraiment des outils sur ossements de baleines, également les parures dont parlait Catherine. Donc c'est comme une espèce d'écho de ces mondes de chasseurs-cueilleurs maritimes du Paléolithique qui gisent, comme le disait Catherine, à plus de 100 mètres sous le niveau actuel des mers, c'est-à-dire qu'ils sont totalement... pour lesquels les moyens actuels d'exploration ne sont pas suffisants. Donc on a comme une espèce d'effluves marines, d'odeurs iodées dans le Paléolithique, qui commencent à être mises bien en valeur par certains préhistoriens de talent. Catherine Dupont, avec la fin des temps glaciaires, nous voici devant le plus important changement climatique que nous ayons connu depuis 12 000 ans. Ce n'est pas rien. Peut-on penser que l'exploitation des ressources marines soit une des réponses de ces hommes face au bouleversement du climat ? Votre question, en fait, se rapproche de la première. Le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir une explosion de l'exploitation des ressources marines à la fin du Mésolithique. Et finalement, pourquoi ? Parce que c'est une vision de l'archéologue. Le trait de côte, en fait, se stabilise. Donc, forcément, on a une vision de ce qu'ils consomment. Et c'est vrai qu'on a une consommation très, très importante de ressources marines à ces périodes-là. La diversité est vraiment, vraiment phénoménale. Il faut vraiment imaginer, même vous, si vous allez sur un coin de notre trait de côte, si vous essayez de pêcher des coquillages pour la journée, vous ne trouverez pas la diversité que les hommes du Mésolithique on peut trouver. Parce qu'on voit qu'ils s'adaptent, qu'ils restent assez longtemps pour maîtriser totalement l'environnement. Et ils le vivent, cet environnement. Notre cadre, c'est bien sûr la préhistoire récente. C'est ce qu'on appelle le Mésolithique, dont vous êtes spécialiste, Grégoire Marchand. C'est exact, en fait. C'est-à-dire le Mésolithique correspond aux dernières adaptations humaines des chasseurs-cueilleurs après la dernière glaciation. En fait, ça correspond vraiment à cette manière d'habiter les environnements qui se rapprochent des environnements actuels. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette période, c'est qu'on voit vraiment d'autres manières d'occuper des espaces qui pourtant nous sont familiers ou qui nous semblent familiers. On a d'autres manières de vivre dans une Europe tempérée que de pratiquer l'agriculture, qu'elle soit intensive ou non. Donc ça, je pense que ça fait partie des grandes leçons qu'on arrive à tirer de cette période, et notamment pour l'occupation maritime. Évidemment. Mais ces Mésolithiques, on ne les connaît pas qu'en bord de côte, tout de même. Non, et plus les recherches avancent sur ce sujet, plus on se rend compte en fait de la des particularités de ces peuples maritimes. Alors, comme le disait Catherine, ça commence, nos connaissances apparaissent véritablement au 7e millénaire, au moment où le trait de côte se stabilise plus ou moins au niveau actuel, ou une dizaine de mètres en dessous. Et on se rend compte en fait que ces peuples entretiennent un rapport très très particulier à ces environnements et qui s'opposent en quelque sorte aux peuples plus continentaux. Et donc ça crée comme un système, une dynamique qui est vraiment actuellement au cœur des travaux. Les côtes de la France, vous le disiez, mais aussi celles du globe, se forment durant cette époque, du moins celles que nous connaissons. Les côtes que nous connaissons aujourd'hui, c'est les côtes d'il y a 7, 8, 9 000 ans ? Non, il y a eu des transformations assez importantes. On a notamment un phénomène d'insularisation. On voit apparaître, mais notamment la plus grande de ces îles, les îles du Royaume-Uni. On voit vraiment se détacher les îles à peu près au milieu du 7e millénaire. Et puis on voit le Royaume-Uni, les traits culturels totalement dérivés à partir du 7e millénaire. On voit vraiment l'originalité des cultures humaines au Royaume-Uni apparaissent à peu près au 7e millénaire, à mesure que les îles se fabriquent, certaines sont submergées, d'autres réapparaissent. Donc on a vraiment un façonnage très progressif des traits de côte que l'on connaît actuellement. Mais rien n'est fixé. On est dans des milieux extrêmement mouvants. Donc chez vous, par exemple, Belle-Île, les Glénans, Groix, étaient encore accrochés au continent avant et ne le sont plus durant cette époque ? Tout à fait. Ce sont vraiment des excellents travaux de géomorphologie marine, des travaux de prospection au sonar qui nous montrent la très progressive désagrégation de ces continents. Ça a dû être des moments assez impressionnants pour les hommes et les femmes du Mésolithique, notamment dans les tout premiers millénaires, au moment où on est passé de moins 60 mètres à moins 10 mètres. Vous imaginez, c'est totalement ahurissant. C'est rapide ou pas ? Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait perceptible à l'espace d'une génération. C'est-à-dire que souvent, en fait, ces désagrégations des formes littorales, elles se font au gré des tempêtes ou des choses comme ça. Donc, il y a des séries de petites catastrophes, mais du vivant de ces individus, hein, une génération, c'est 25 ans, du vivant d'une génération, les gens ont perçu cette disparition des estuaires, cette fabrication des îles, cette disparition de certaines autres îles. Donc, ça a dû être quelque chose d'assez fabuleux, en fait, à cette époque-là. En tout cas, aujourd'hui, la remontée des eaux, la récurrence des phénomènes climatiques violents, je pense bien sûr cet hiver, ronge les sites archéologiques de notre littoral. Les archéologues ont donc mis en place une procédure très particulière. Oui, on a une collègue en fait qui travaille également au laboratoire de Rennes, qui est Marie Vander, qui a lancé un projet qui est le projet Alerte, parce que pour l'instant, c'est vrai que sur le littoral français, il n'y a pas en fait de cadre légal pour les fouilles qui sont des fouilles d'urgence liées à des tempêtes. Donc là, la première phase du programme de donc notre collègue Marie Vander consiste à établir des cartes d'urgence où les sites archéologiques disparaissent et où il faut agir d'urgence. Donc on essaye pour l'instant d'alerter finalement les instances pour leur montrer que des sites disparaissent et avec eux toute l'information. Et la suite du processus là vise maintenant à essayer d'avoir des sources de financement qui pourraient intervenir pour nous aider vraiment en urgence, parce que des tempêtes comme il y a eu cet hiver, il faut intervenir parfois en deux semaines, sinon certains sites disparaissent à jamais sous les eaux. Grégoire Marchand, vous êtes intervenu sur vos sites archéologiques pour voir où ils en étaient après la récurrence de ces tempêtes ? Oui, l'hiver dernier a été assez extraordinaire du point de vue des découvertes préhistoriques. Et comme me le disait Catherine, on manque encore d'un cadre légal et d'aide financière, évidemment, pour intervenir. Énormément de plages ont été rongées et sous la plage, on découvre des tourbières anciennes, on découvre des formes de villages tout à fait extraordinaires. Donc là, on est vraiment dans une urgence. L'hiver 2013-2014 a vraiment révélé une urgence. Qui vont être bouchées durant l'été. Exactement, et puis qui seront peut-être fouillées par les gens sur les plages. En tout cas, les archéologues retrouvent bien entendu les habitats de ces chasseurs maritimes, non pas, comme le disait Pline, faits d'arêtes de poissons, mais sous la forme d'énormes monticules de coquillages. Et, que vais-je dire, de coquilles, non pas de coquillages. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est vrai que... Il ne faut pas confondre coquilles et coquillages, parce qu'en fait, dans l'archéologie, en fait, quand on travaille sur ce type de matériel, on s'aperçoit que vraiment, l'homme ne va pas du tout percevoir la coquille comme le coquillage, c'est-à-dire pour les populations qui nous intéressent avec Grégoire, quelqu'un qui va utiliser les coquillages pour se parer, pour orner son corps ou des objets qu'il affectionne, il ne va pas utiliser les coquilles finalement qu'il va manger tous les jours. On ne va pas recycler la coquille du coquillage mangé, on va aller à la plage, on va attendre que la mer, après des tempêtes, dépose des coquilles qui sont extraordinaires, qu'on voit moins régulièrement pour se décoré. Et il est vrai qu'on travaille finalement sur des décharges de monticules préhistoriques une des grandes traces laissées par ces populations sont ces monticules de coquillages qui sont bien visibles dans le paysage parce qu'elles ont permis la préservation aussi de multiples vestiges fauniques. Ce qu'on appelle les amas coquillés. Les coquillages sont-ils une des nourritures marginales dans l'alimentation de ces populations ? Alors c'est tout à fait... Il n'y a pas grand-chose à manger, ça laisse beaucoup de coquilles, mais bon. Ça laisse beaucoup de coquilles, mais en fait, on a des analyses, on a quand même essayé, en tant qu'archéologue, on a essayé de voir si la composition, finalement, de la décharge était la réalité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tamisé toutes ces accumulations formulation, on a déterminé à la fois non seulement des coquillages, mais il y a plein d'autres produits de la mer. Hein. Il y a des crabes, il y a des oiseaux marins, il y a des mammifères marins comme du phoque, par exemple. On a aussi des mammifères terrestres. Et on a comparé cette composition de la poubelle à ce que le squelette humain en fait, avait incorporé. Donc on a la possibilité de faire des analyses isotopiques et on a comparé finalement ce que les ossements humains avaient incorporé par rapport à cette décharge. Et on s'est aperçu que finalement, oui, les coquillages ont eu un impact important, mais aussi les oiseaux marins, tout le profil, toutes ces ressources en fait, produites par l'environnement marin ont eu un impact dans leur quotidien au niveau de l'alimentation. Grégoire Marchand, pour les côtes de l'Atlantique, quel est l'animal le plus gros, le plus chassé ou pêché d'ailleurs ? Ça reste le cerf. Le cerf, ça fait vraiment partie. C'est pas très marin, ça. Non. Ça, effectivement, le relais est pris sur le littoral par les phoques, mais c'est assez intéressant de voir que les populations sur les grandes nécropoles, que ce soit celle de Teviec ou celle de Hédic, qui sont des ensembles de tombes totalement fabuleux, on se rend compte que le cerf est non seulement consommé de manière abondante, mais également il est pansé. Les gens sont inhumés avec des bois de cerf sur la tête. Sur leur tombe, on a brûlé des mandibules de cerf ou des mandibules de sanglier. C'est-à-dire que l'animal que l'on pense et l'animal auquel on va se référer au moment de faire du grand passage, ça reste ce mammifère, quel que soit le taux finalement de nourriture et de protéines ingérées. Parce que comme le disait Catherine, ces populations maritimes ont ingéré entre 50 et 80% de protéines d'origine marine. Il n'empêche qu'il semble quand même que le cerf soit plus agréable à penser que la patelle. Connaître l'année exacte de la coquille, de la collecte de la coquille, c'est bien sûr aujourd'hui totalement impossible. En revanche, les saisons peuvent être approchées, Catherine Dupont ? Oui, nous sommes quand même en climat tempéré et en travaillant sur les coquilles archéologiques, on s'aperçoit qu'elles ont aussi une croissance, un rythme de croissance qui est un peu calé sur ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire que l'hiver, il y a moins de soleil, il y a moins d'algues, donc les coquillages ont une croissance qui va se ralentir. Donc on a la possibilité finalement de lire la croissance du coquillage et de savoir quand est-ce qu'il a été pêché ou collecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler davantage, hein, parce qu'il faut voir qu'on est archéologue, mais on doit en fait faire appel à toutes les disciplines de la biologie. Et là, ce sont des recherches qu'on mène et qui sont à la pointe même de la biologie. Et on a commencé à faire des tests sur les coquilles de Béguerville, un site sur lequel nous fouillons, qui est localisé à Quiberon, en Bretagne. Et on a essayé de voir si l'information justement de la saison de collecte était préservée à l'intérieur du coquillage. Eh bien oui, non seulement la saison est conservée, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait qu'il y a la croissance du coquillage peut se lire à marée haute, à marée basse. Donc vous imaginez tout le travail qu'il faut faire maintenant pour pouvoir en tirer des informations. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Catherine Dupont, Grégoire Marchand, que vous êtes respectivement chargé et directeur de recherche au CNRS et que vous venez tous deux d'organiser un colloque sous l'égide de la Société préhistorique française et intitulé « Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes ». Notre sujet donc, le Mésolithique le long des côtes de l'Atlantique. Ces sociétés sont-elles composées de pêcheurs, de tacos ou de requins ? Les deux, mon général. En fait, on travaille on a des spécialistes, hein, les ichtyologues qui travaillent sur le poisson qu'on peut retrouver sur ces sites. Et grâce au tamisage, on va retrouver à la fois des petits fragments, des petits restes de petits poissons, et on va retrouver aussi des grosses vertèbres de poissons. Donc, on va retrouver du requin, et on trouve énormément de poissons tels de la vieille et de la dorade. Il faut voir vraiment. Dorade royale. La dorade royale, et il y a aussi de la dorade grise et de la dorade rose. Et en fait, on a vraiment aussi une diversité qui se lie à travers cette exploitation du poisson. Et il faut voir qu'on a vraiment énormément de vestiges qu'on peut retrouver sur ce type également d'animaux. Grégoire Marchand, qu'en est-il de l'outillage des hameçons et des embarcations, ou tout au contraire des pièges et des pêcheries ? Pour l'instant, effectivement, on peine à relier l'outillage qu'on connaît au monde marin. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune différence entre l'outillage préhistorique découvert sur les côtes, qu'elle soit mésolithique d'ailleurs ou actuelle, et puis l'outillage que l'on connaît dans le monde continental. Donc on est bien obligé d'imaginer des dispositifs de piégeage qui permettraient d'acquérir justement ces espèces, notamment les poissons. Donc là, on a tout un programme de prospection sous-marine en avant des grands sites que l'on connaît afin de détecter des pêcheries. Qu'est-ce qu'une pêcherie ? C'est tout simplement un dispositif de blocage des eaux lorsqu'elles descendent, c'est-à-dire un mur ou alors une paroi en bois au bout de laquelle on met une nasse et qui permet en fait de récupérer ces espèces. Il faut imaginer la productivité. Deux fois par jour. C'est une productivité fabuleuse pour des chasseurs avec un moindre investissement en termes de fatigue, mais par contre un très gros investissement en termes d'entretien de ces dispositifs. On en a déjà retrouvé ? Tout à fait, on en a retrouvé en Europe du Nord essentiellement, notamment à Dublin et également dans la mer Baltique, tout simplement parce qu'en fait les niveaux marins sont mieux préservés, le socle rocheux remonte et donc on a, après la glaciation, et donc on a en fait un meilleur enregistrement sédimentaire pour le mésolithique. On parlait de dorades, de requins, de vieilles. Sommes-nous dans une prédation à large spectre ou tout au contraire dans une spécialisation ? C'est à large spectre sans problème parce qu'en fait, quel que soit le type d'animaux, on voit en fait déjà qu'il y a une diversité de types d'animaux. On va avoir des crabes, on va avoir des coquillages, du poisson, des oiseaux de mer, d'autres qui vivent comme la bécasse des bois plus en milieu forestier. On a également des mammifères marins, des mammifères terrestres. Donc déjà, on voit la diversité. Ensuite, quand on va s'attaquer à chacun de ces groupes animaux, la diversité se lie également. Pour les oiseaux, hein, un site contemporain comme Teviec, qui est également un site du Mésolithique, il y a plus de 20 espèces qui ont été déterminées. Et attention, ça va être toutes ces espèces ont été bel et bien consommées. On va trouver des traces en fait, de découpe et de rôtisserie, par exemple, sur des pingouins. Donc là, c'est vraiment et des macareux, des animaux qu'on ne consomme pas forcément encore actuellement. Et cette diversité, elle se lie également au niveau des crabes, parce qu'on a plus de 5 espèces de crabes qui sont retrouvées, par exemple du tourteau et du crabe vert. Et puis un chercheur américain me le demandait, et le homard ? Alors le homard, malheureusement, on en a pour l'instant pas retrouvé. En archéologie, ça existe en France, on en retrouve pour à partir du Moyen-Âge, mais de manière très très sporadique. Et pour l'instant, pour le mésolithique, pas de homard. Qu'en est-il des systèmes de pensée ? Nous voici devant un nouveau rapport à la mort, un nouveau discours entre les vivants et les défunts, Grégoire Marchand ? Alors, le mésolithique, c'est vraiment une période de très grande proximité entre les vivants et les morts. D'une part, parce qu'en fait, on va inhumer les défunts directement dans l'habitat. Et on parlait de monticules de déchets, de monticules de coquilles. Certes, ce sont les déchets du quotidien, mais ce sont aussi des endroits où, en fait, les squelettes, hein, les corps, avant de devenir squelettes, vont vraiment être inhumés. Donc, et les gens ne sont pas lancés dans la décharge. On est vraiment dans des tombes qui sont extrêmement bien structurées, mais qui sont réouvertes très périodiquement, autour desquels on voit des rituels extrêmement complexes. Donc on a vraiment une très très grande proximité entre vivants et morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dès le 9e millénaire. Donc les peuples de chasseurs-cueilleurs maritimes que l'on connaît actuellement relativement bien en Bretagne sont directement issus de ces traditions du Mésolithique. Et on est sur la naissance de la nécropole. Tout à fait. Et à la fin de l'ère glaciaire, on voit vraiment ces regroupements dans l'espace. Je pense que ça fait également partie d'une autre appropriation de l'espace. C'est-à-dire que on est dans une autre relation. Alors certains chercheurs pressés vont parler de sédentarité. La sédentarité, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à démontrer, tout simplement parce que on maîtrise vraiment mal les allées et venues de ces peuples, et on sait que les chasseurs-cueilleurs sont des peuples qui se fragmentent, qui se regroupent à intervalles réguliers, des groupes extrêmement mobiles, mais qui peuvent être également sédentaires. Donc je pense que le Mésolithique, c'est quand même une période où ces nécropoles deviennent comme des pivots, vous voyez, de l'espace social, des moments où, dans le paysage, on va revenir régulièrement, repousser un peu le squelette de grand-mère pour y mettre son père, et puis refaire des rituels, donc des endroits très très chargés. Alors là, il nous faut parler de deux sites absolument extraordinaires, bretons, Teviec et Dick, hélas, fouillés il y a très très longtemps. Fouillé dans les années 30 par Marthe et Saint-Just-Pécard. Et bien fouillé. Bien fouillé. Il est coutume de dire que ça a été bien fouillé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque énormément de choses, notamment ce qu'on appelle les liens stratigraphiques. C'est-à-dire que l'époque n'était pas à essayer de travailler sur la chronologie relative. Et on a beaucoup de mal à comprendre si les gens sont venus dans un ancien habitat pour le sanctifier, si vous voulez, ou si, à l'inverse, on a fait plutôt un monticule de détritus sur les tombes, ou alors si tout ça a fonctionné de concert, comme cela me semble être le cas. Mais ce sont deux nécropoles fabuleuses, tout simplement parce qu'on y a trouvé en tout 37 défunts. Avec des défunts assis, quelquefois, voilà, avec des boîtes de serre. Avec des traces de violence pour certains, et surtout, dans tous les cas, même ceux qui avaient été oxydés de manière un petit peu violente, on a un rapport au corps, un respect pour les défunts qui est tout à fait extraordinaire et qui nous rend finalement cette préhistoire beaucoup plus palpable. Justement, à Teviec, on touche du doigt la naissance de la violence. À Teviec, donc les... Peut-être même de masse. Ah oui, bah oui, tout à fait. Et même une certaine diversité dans la manière de tuer son prochain qui est tout à fait séduisante. Marthe et Saint-Just Pécard avait déjà montré qu'un individu avait été tué à coups de flèche, puisqu'on en avait retrouvé des flèches dans le rachis, dans ses os. Plus récemment, des collègues du Muséum de Toulouse ont montré que deux femmes de la sépulture A avaient été massacrées, on ne peut qu'utiliser que ce terme, à coups de pierre. Donc un des crânes portait 14 impacts de coups violents, l'autre en portait 12. Lapidé ? Non, plus probablement. En fait, des coups très, très directs donnés sur la face et sur le pourtour du crâne de ces deux pauvres femmes. Et puis également, il faut noter quelque chose également que Marthe et Saint-Just Pécard avait vu, c'est le nombre un peu trop important du point de vue statistique d'enfants qui sont inhumés avec leurs parents. Mais ce ne sont pas des morts d'accompagnement, comme aurait dit Alain Testard, ce sont plutôt des enfants qui ont été inhumés avec des gestes extrêmement touchants. On a notamment une femme qui a son enfant de 2 ans dans les bras, sur le bras gauche, à la pliure du bras gauche, et qui tient dans la main droite les pieds de l'enfant. Il n'empêche que l'enfant a été tué probablement à la mort de son parent. Alors est-ce que c'est parce qu'il il devenait une charge pour le groupe ? Mais vous voyez, là, trois manières de tuer sur 14 cadavres. Et quelles pourraient être les raisons ? Une sorte de pression démographique, par exemple ? C'est souvent ce que disent les archéologues. C'est une hypothèse, parce qu'on évoquait l'hypothèse des pêcheries. Donc, une pêcherie demande énormément d'entretien, donc impose finalement une certaine forme, pas de sédentarité, mais de présence à longue durée. Et la productivité de ces dispositifs de pêche est telle qu'elle a pu attirer des peuples voisins et créer une compétition sur les ressources. Mais il y a également 1000 autres manières et 1000 autres intérêts à tuer son prochain, comme vous le savez. Que nous racontent ces nécropoles sur l'organisation sociale de ces chasseurs marins ? Nous sommes, si on regarde ça avec une focale un peu large, nous sommes quand même confrontés à des peuples qui sont... qu'on qualifierait d'égalitaire. C'est-à-dire qu'on voit certaines petites différences entre les sépultures, mais c'est de l'ordre d'un ou deux stylets. Pour un stylet, c'est cette espèce de grandes épingles qui sont façonnées dans des périnées d'animaux. Et on peut avoir quelques petits effets personnels en plus, notamment pour les personnes âgées, mais c'est plutôt une accumulation liée à l'âge. Mais globalement, on a une société qui est où les hommes et les femmes sont inhumés, avec des petits caractères particuliers, mais ils sont inhumés de la même manière. Donc on sent quand même des sociétés globalement égalitaires. Voilà. Il y a quand même une sorte de développement de la compétition et du prestige, peut-être, non ? Relativement peu. Quand j'ai commencé l'ouvrage dont vous parliez, Préhistoire Atlantique, j'étais un peu probablement trop obnubilé par les sociétés du Nord-Ouest américain, des sociétés harengs, des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont pratiqué l'esclavage, qui pratiquaient la guerre, qui pratiquaient des compétitions. Peu à peu, en fait, mes certitudes initiales sont tombées. Et il faut bien admettre qu'on est face à des sociétés avec de relativement faibles différences entre les individus. Surtout quand on les compare à ce qui va arriver après. C'est-à-dire au début du néolithique, dans la région de Karnak, on a une explosion des richesses qui est absolument incroyable. Là, on a une vraie inégalité. Donc en fait, ces deux peuples, ces deux sociétés, quand même, trouvent vraiment à s'opposer. Mésolithique versus néolithique. Avec ces premiers peuples maritimes mésolithiques, sommes-nous sur un stade d'évolution de l'humanité valable, je dirais, pour la planète entière ? Non, notre colloque de Rennes nous a bien montré une très grande diversité des situations à l'échelle de la planète qui dépend évidemment de la latitude et de la productivité des océans et puis également de cette grande diversité culturelle propre à notre espèce. Donc on a vraiment moi je pense que de tout temps les rivages ont été exploités. Catherine Dupont, Grégoire Marchand, merci beaucoup. Merci. Merci. La semaine prochaine, Marilène Patou nous présentera Madame de Néandertal. La revue Archéologia, partenaire de l'émission, évoque dans sa dernière livraison du mois de mai le site néolithique turc de Çatal Ük, la destruction de Pompéi, mais aussi 25 ans de recherche à Orléans. Enfin, elle se penche sur le plus grand proto-historien français, Joseph Deschlette, tombé au champ d'honneur en septembre 1914. À lire donc. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar à la technique d'Ofar Guéride, attachée d'émission Catherine Donnet.